Il y eut bien des larmes répandues. Clélia tomba malade, mais elle aimait trop Fabrice pour se refuser constamment au sacrifice qu'il lui demandait. En apparence, Sandrine tomba malade. Le marquis se hâta de faire appeler les médecins les plus célèbres, et Clélia rencontra dès cet instant un embarras terrible qu'elle n'avait pas prévu. Il fallait empêcher cet enfant adoré de prendre aucun des remèdes ordonnés par les médecins. Ce n'était pas une petite affaire. L'enfant, retenu au lit, puisqu'il ne le fallait pour sa santé, devint réellement malade. Comment dire au médecin la cause de ce mal? Déchiré par deux intérêts contraires et si chers, Clélia fut sur le point de perdre la raison. Fallait-il consentir à une guérison apparente et sacrifier ainsi tout le fruit d'une feinte si longue et si pénible? Fabrice, de son côté, ne pouvait ni se pardonner la violence qu'il exerçait sur le cœur de son ami, ni renoncer à son projet. Il avait trouvé le moyen d'être introduit toutes les nuits auprès de l'enfant malade, ce qui avait amené une autre complication. La marquise venait sonner son fils, et quelquefois Fabrice était obligé de la voir à la clarté des bougies, ce qui semblait au pauvre cœur malade de Clélia un péché horrible et qui présageait la mort de Sandrine. C'était en vain que les jésuites casuistes les plus célèbres consultaient sur l'obéissance à un vœu, dans le cas où l'accomplissement en serait évidemment nuisible, avaient répondu que le vœu ne pouvait être considéré comme rompu d'une façon criminelle tant que la personne, engagée par une promesse envers la divinité, s'abstenait non pour un vain plaisir des sens, mais pour ne pas causer un mal évident. La marquise n'en fut pas moins au désespoir, et Fabrice vit le moment où son idée bizarre allait amener la mort de Clélia et celle de son fils. Avec l'aide du comte Mosca, Fabrice fait séquestrer le marquis Crescenzi pendant quelques jours. Cet enlèvement, fort adroitement exécuté, eut un résultat bien funeste. Sandrino, établi en secret dans une grande et belle maison où la marquise venait le voir presque tous les jours, mourut au bout de quelques mois. Clélia se figura qu'elle était frappée par une juste punition pour avoir été infidèle à son vœu à la Madone. Elle avait vu si souvent Fabrice aux lumières, et même deux fois en plein jour, et avait eu transport si tendre durant la maladie de Sandrino. Elle ne survécut que de quelques mois à ce fils si chéri, mais il eut la douceur de mourir dans les bras de son ami. Fabrice était trop amoureux et trop croyant pour avoir recours au suicide. Il espérait retrouver Clélia dans un meilleur monde, mais il avait trop d'esprit pour ne pas sentir qu'il avait beaucoup à réparer. Peu de jours après la mort de Clélia, il signa plusieurs actes par lesquels il assurait une pension de 1 000 francs à chacun de ses domestiques et se réservait pour lui-même une pension égale. Il donnait des terres valant 100 000 livres de rente, à peu près, à la comtesse Mosca, pareille somme à la marquise Del Dongo, sa mère, et ce qui pouvait rester de la fortune paternelle à l'une de ses sœurs mal mariées. Le lendemain, après avoir adressé à qui de droit la démission de son archevêché et de toutes les places dont l'avait successivement comblé la faveur d'Ernest V et l'amitié du Premier ministre, il se retira à la Chartreuse de Parme, située dans les bois voisins du Pô, à 2 lieues de Sac. La comtesse Mosca avait fort approuvé dans le temps que son mari reprit le ministère, mais jamais elle n'avait voulu consentir à rentrer dans les états d'Ernest V. Elle tenait sa cour à Vignano, sur la rive gauche du Pô, et par conséquent, dans les états de l'Autriche. Dans ce magnifique palais de Vignano, que le comte lui avait fait bâtir, elle recevait les jeudis toute la haute société de Parme, et tous les jours ses nombreux amis. Fabrice n'eut pas manqué un jour de venir à Vignano. La comtesse, en un mot, réunissait toutes les apparences du bonheur, mais elle ne survécut que fort peu de temps à Fabrice, qu'elle adorait, et qui ne passa qu'une année dans sa Chartreuse. Les prisons de Parme étaient vides, le comte immensément riche, Ernest V adorait de ses sujets, qui comparait son gouvernement à celui des grands ducs de Toscane.